La conquête de Constantinople. L'un des signes est la prise de Constantinople, avant l'apparition du faux Messie par les musulmans. Les hadiths montrent que cette conquête aura lieu après la bataille contre les Romains, lors de la grande épopée et la victoire des musulmans sur ces derniers. C'est à ce moment-là qu'ils se dirigeront vers Constantinople. Alors, Allah Azawajel leur accordera la victoire sans même combattre. Leur seule arme sera de formuler le takbir et le tahlil. Le fait de dire « Allahu Akbar » et « La ilaha illallah ». Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Avez-vous entendu parler d'une ville dont un côté se trouve sur terre et l'autre sur mer ?»« Oui, répondirent-ils, ô messager d'Allah. » Il poursuivit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que 70 000 hommes parmi les fils d'Ishaq l'attaquent. Quand ils l'aborderont, ils s'installeront et ne combattront avec aucune arme ni ne décocheront aucune flèche. Ils diront « Point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et Allah est le plus grand. » Et d'un coup, l'un de ses pans tombera. Thaour, l'un des rapporteurs, rajoute « Je crois qu'il a dit « celle sur mer ». » Ensuite, ils diront une deuxième fois « Point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et Allah est le plus grand. » Et l'autre partie tombera. Ils diront à nouveau « Point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et Allah est le plus grand. » Et la ville leur sera ouverte. Ils y entreront, prendront le butin, et tandis qu'ils se partageront les butins, un héros criera « Le faux messie est sorti !» Ils délaisseront alors tout et s'en retourneront. Rapporté par Muslim. Sa parole dans ce hadith, 70 000 hommes parmi les fils d'Ishaq l'attaquent, pose problème. En fait, les Romains font partie des enfants d'Ishaq, car ils sont de la descendance d'Al-Is, fils d'Ishaq, fils d'Ibrahim, alayhim assalam, l'ami intime d'Allah. Comment se peut-il donc que la conquête de Constantinople soit faite par eux? Al-Qadi Iyad, rahimahullah, dit « Il en est ainsi dans tous les textes du Sahih Muslim parmi les fils d'Ishaq. » Il dit ensuite « Certains ont dit que ce qui est connu et retenu est parmi les fils d'Ismaïl. » C'est ce qu'indique le hadith et son contexte, car ce sont les Arabes qu'il a visé. L'érudit Ibn Kathir, rahimahullah, est d'avis que le hadith indique que les Romains se convertiront à la fin des temps. Il se peut alors que la conquête de Constantinople se fasse par une partie d'entre eux, comme le stipule le hadith précédent, à savoir que 70 000 hommes parmi les enfants d'Ishaq l'attaqueront. Il en veut pour preuve qu'une éloge leur est faite dans le hadith d'Al-Musta'id al-Qurashi, qui a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « L'heure viendra alors que les Romains seront les gens les plus nombreux. » Amr ibn al-As, radiallahu an, lui dit alors « Fais attention à ce que tu dis. Je dis ce que j'ai entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit-il. Si je dis cela, c'est qu'il y a en eux quatre caractéristiques. Ils sont les gens les plus sagaces lors d'un trouble, les plus alertes à récupérer après un malheur, les plus promptes à revenir après la fuite, et les meilleurs envers un pauvre, un orphelin et un faible. La cinquième est bonne et belle. Ils sont les plus opposés à l'injustice des rois. » Le hadith précédent d'Abu Huraira, radiallahu an, concernant la bataille avec les Romains, prouve aussi que ceux-ci se convertiront à l'islam à la fin des temps. Il y est mentionné que les Romains diront aux musulmans « Laissez-nous combattre ceux parmi nous qui nous ont reniés. » Et les musulmans de répondre « Non, par Allah, nous ne vous laisserons pas atteindre nos frères. » Les Romains demanderont donc aux musulmans de les laisser combattre ceux qui avaient été capturés parmi eux, car ils se seront convertis à l'islam. Bien entendu, les musulmans s'y refuseront et feront remarquer aux Romains que ceux qui se sont convertis sont à présent leurs frères. Ils ne les livreront à personne. En outre, le fait que la majorité de l'armée musulmane soit constituée de ceux qui furent capturés auparavant parmi les mécréants n'est pas chose étrange. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, dit « Cela existe à notre époque. En fait, la majorité des troupes musulmanes dans les terres du Chem et d'Égypte furent d'abord capturées. Ensuite, ce sont eux, aujourd'hui, Allah en soit loué, qui capturent les mécréants. Ils les ont capturés de nombreuses fois à notre époque. D'un coup, ils capturent des milliers de mécréants. Allah la louange pour l'honneur et la prédominance qu'il a accordé à l'islam. Ce qui appuie également l'avis que l'armée qui conquérera Constantinople est formée des enfants d'Ishaq et que l'armée des Romains totalisera près d'un million d'hommes. Certains seront tués et d'autres se convertiront. Ceux qui se convertiront feront partie de l'armée musulmane qui conquérera Constantinople et Allah sait mieux. La conquête de Constantinople sans combat est un événement qui ne s'est pas encore produit. At-Tirmidhi, rahimahullah, rapporte selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qu'il a dit « La conquête de Constantinople se fera avec la venue de l'heure. » Ensuite, At-Tirmidhi, rahimahullah, rapporte ses propos de Mahmoud ibn Ghaylan, son maître, qui dit « C'est un hadith étrange. Constantinople est la ville des Romains qui sera conquise à la venue du faux Messie. Mais Constantinople a déjà été conquise à l'époque de certains compagnons du prophète, radiyallahu anhum. » En réalité, Constantinople n'a pas été conquise à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum, car Muawiyah, radiyallahu an, y envoya son fils Yazid à la tête d'une troupe dans laquelle se trouvait Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu an, mais ils ne purent la conquérir. Ensuite, Muslima ibn Abd al-Malik l'assiégea, mais elle ne fut pas conquise non plus. Cependant, il conclut un traité de paix avec ses habitants en échange de la construction d'une mosquée. La conquête de Constantinople par les Turcs se fit également en combattant. Elle sera donc conquise une dernière fois, comme nous en a informé le véridique, dont la véracité est attestée. Sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed Shakir, rahimahullah, dit « La conquête de Constantinople annoncée dans les hadiths aura lieu dans un futur proche ou lointain que seul Allah Azawajal connaît. Ce sera sa véritable conquête. » Lorsque les musulmans retourneront à leur religion de laquelle ils s'étaient détournés. Quant à la conquête des Turcs qui eut lieu avant notre époque, ce n'était qu'un prélude à la grande conquête. L'apparition de Qahtani. À la fin des temps, un homme de la tribu de Qahtan apparaîtra, auquel les gens obéiront et soutiendront. Cela arrivera lorsque le temps changera. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari rahimahullah le mentionne dans le chapitre du changement du temps. L'imam Ahmed, rahimahullah, et les deux cheikhs rapportent d'après Abu Huraira, radiyallahu an, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse un homme de Qahtan, qui maniera les gens avec son bâton. » Al-Qurtubi, rahimahullah, dit « Qui maniera les gens avec son bâton » est une allusion à la droiture des gens, leur accord à son égard et leur acceptation. Il n'a pas réellement visé le bâton. Il en a fait une image de leur obéissance envers lui et sa dominance sur eux. Si ce n'est que cette mention prouve sa dureté et sa brutalité envers eux. En effet, manier les gens avec son bâton est une allusion à l'obéissance des gens et leur acceptation de son ordre, sauf que la dureté que souligne Al-Qurtubi rahimahullah envers eux n'est pas envers tout le monde, comme le laissent entendre ses propos. En fait, il serait sévère envers les désobéissants. C'est un homme vertueux qui jugera avec équité. Cela est appuyé par ce que mentionne Ibn Hajar, rahimahullah, d'après Nu'aym ibn Hammad, rahimahullah, rapportant selon une voix forte, d'après Abdullah ibn Amr, qu'il cita les califes puis dit « et un homme de Qahtan ». Et également ce qu'il rapporte avec une bonne chaîne de transmission d'après Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, qui dit « et un homme de Qahtan, tous sont des vertueux ». Lorsque Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiyallahu anhu, rapporta qu'il y aura un roi issu de Qahtan, Muawiyah, radiyallahu an, se fâcha contre lui, se leva, loua Allah comme il le mérite, puis dit « Il m'a été rapporté que des hommes parmi vous transmettent des hadiths qui ne sont pas dans le livre d'Allah et qui ne peuvent être attribués au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-ci sont les plus ignorants parmi vous. Prenez garde des espoirs qui égarent ceux qui les nourrissent, car j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Cette affaire, en parlant de l'autorité, se trouve entre les mains de Quraysh. Personne ne la leur dispute sans qu'Allah ne le renverse sur son visage, tant qu'ils appliquent la religion. » Rapporté par Al-Bukhari. En fait, Muawiyah, radhiyallahu an, blâma cela de peur que quelqu'un ne pense que le califat est permis à d'autres que Quraysh. Toutefois, Muawiyah, radhiyallahu an, ne contesta pas la venue de Qahtani. Dans son hadith, il dit « tant qu'ils appliquent la religion ». Si donc ils n'appliquent plus la religion, l'autorité ne sera plus entre leurs mains. Et cela est arrivé. Les gens sont restés sous l'autorité de Quraysh, jusqu'à ce que leur attachement à la religion ait faibli, puis leur autorité faiblit et périt, alors le règne passa aux autres. Le Qahtani dont il est question n'est pas Al-Jahjah, car le Qahtani est un homme libre. Il est issu de la tribu de Qahtan, à laquelle remontent les origines des habitants du Yémen, parmi les tribus de Himyar, Kinda, Hamadan et d'autres. Quant à Al-Jahjah, il fait partie des esclaves. Cela est appuyé par ce que rapporte l'imam Ahmed rahimahullah d'après Abu Huraira radiyallahu an, qui tient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « La nuit et le jour ne disparaîtront pas tant que ne détiendra pas le pouvoir un homme parmi les esclaves nommé Jahjah. » Médine rejettera ses malfrats puis sera détruite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à habiter Médine et nous a informé que quiconque la quitte en renonçant à elle, Allah le remplacera par quelqu'un de meilleur que lui. Il nous a informé aussi que parmi les signes de l'heure, il y a que Médine rejettera ses malfrats qui sont les pires gens, tel le soufflet de forge qui enlève les impuretés du fer. L'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens connaîtront un temps où l'homme appellera le fils de son oncle paternel et son proche parent lui disant « Accourez à l'aisance, accourez à l'aisance !» Mais Médine est préférable pour eux s'ils savaient. Et par celui qui détient mon âme dans sa main, personne ne la quitte en renonçant à elle, sans qu'Allah ne le remplace par quelqu'un de meilleur que lui. Médine est certes semblable au soufflet de forge, elle dissipe l'impureté. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que Médine rejette ses malfrats, tel le soufflet de forge qui enlève les impuretés du fer. Rapporté par Muslim. Al-Qadhi Iyad, rahimahullah, explique que le rejet des malfrats de Médine désigne l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ne supportait l'égir et la demeure à Médine que celui dont la foi était ferme. Quant aux hypocrites et aux ignorants parmi les bédouins, ils ne patientaient pas face à la dureté de Médine et le fait d'y vivre, ils ne recherchaient aucune récompense en cela. Pour An-Nawawi, rahimahullah, il s'agit de l'époque du faux messie. Il rejette l'avis d'Al-Qadhi Iyad et précise aussi que cela peut arriver à des époques différentes. Ibn Hajar, rahimahullah, cite que cela peut désigner ces deux époques, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la preuve est le récit du bédouin relaté dans le recueil d'Al-Bukhari rahimahullah d'après Jabir radiyallahu an qui dit « Un bédouin vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui prêta serment d'allégeance d'accepter l'islam. Le lendemain, il revint fiévreux en disant « Désengage-moi !» Mais il refusa à trois reprises, il dit ensuite « Médine est comme le soufflet de forge. Elle élimine ses impuretés et ses bonnes choses deviennent plus pures. » La seconde époque est celle du faux messie. Anas ibn Malik, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mentionna le faux messie et dit « Ensuite, Médine sera secouée avec ses gens par trois fois, suite à quoi Allah fera sortir tous mécréants et hypocrites. » Entre ces deux époques, ce n'est pas le cas. Car de nombreux vertueux parmi les compagnons quittèrent Médine après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Mu'adh ibn Jabal, Abu Ubaida, Ibn Mas'ud et d'autres. Ensuite, Ali, Talha, Az-Zubayr, Ammar, ainsi que d'autres partirent. Ceux-ci figurent parmi les meilleurs des hommes. Ceci prouve que le hadith est spécifique pour des gens en dehors d'autres et pour une époque à l'exclusion de tout autre. La preuve en est ce verset où Allah dit tout comme une partie des habitants de Médine, ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Sourate At-Tawba, verset 101. Ainsi, l'hypocrite est un malfrat sans le moindre doute. Quant au fait que les gens quitteront totalement Médine, cela se produira à la fin des temps, à l'approche de la venue de l'heure. Abu Huraira radiyallahu an rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « On quittera Médine au meilleur de son état. » Elle ne sera fréquentée que par des animaux cherchant leur nourriture, c'est-à-dire les fauves et les oiseaux. Les derniers à être amenés au rassemblement seront deux bergers de Muzaïma se dirigeant vers Médine. Ils crieront sur leurs moutons et trouveront qu'elle n'est habitée que par des animaux sauvages. En arrivant à Thaniyat al-Wada', ils tomberont face contre terre. Abu Huraira, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certes, On quittera Médine au meilleur de son état, si bien que le chien ou le loup y entrera, puis urinera sur certains piliers de la mosquée ou sur le mimbar. Ils demandèrent : Ô messager d'Allah, qui bénéficiera des fruits en cette époque ? Il répondit : Les animaux cherchant leur nourriture, les oiseaux et les fauves. Ibn Kathir, rahimahullah, dit : Cela signifie que Médine subsistera et restera habitée à l'époque du faux Messie, puis elle le sera à l'époque de Isa ibn Maryam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il y meure et y soit enterré. C'est par la suite qu'elle sera détruite. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, l'a informé avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: Il y aura un cavalier qui passera près des arbustes de Médine puis dira: Il y avait ici de nombreux habitants parmi les musulmans. L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, dit: Omar ibn Shaba rapporte avec une chaîne de transmission authentique, d'après Aouf ibn Malik, radiyallahu anhu, qu'il a dit: Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entra à la mosquée, nous regarda puis déclara: Par Allah! Ces habitants la laisseront dégrader durant 40 ans, occupés par les animaux cherchant leur nourriture. Savez-vous ce que sont les animaux cherchant leur nourriture? Les oiseaux et les fauves. Ibn Hajar, rahimahullah, dit ensuite: Cela n'est absolument pas encore arrivé. Ceci prouve que l'inoccupation totale de Médine arrivera à la fin des temps, après la venue du faux Messie et la descente de Isa ibn Maryam, alayhi salam. Il est possible que cela soit au moment de la sortie du feu qui rassemblera les gens, qui est le dernier signe de la fin des temps et le premier signe annonciateur de l'heure. Après cet événement, il n'y aura que l'heure. Cela est appuyé par le fait que les derniers qui seront amenés au rassemblement seront de ses habitants, comme cela est dit dans le hadith d'Abu Huraira, radhiyallahu anhu, les derniers à être amenés au rassemblement seront deux bergers de Muzaïma se dirigeant vers Médine. Ils crieront sur leur mouton et la trouveront sauvage. Rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire inoccupé ou habité par des animaux sauvages, et Allah est plus savant. L'apparition du vent agréable qui emportera les âmes des croyants. Parmi les signes de la fin des temps, il y a le soufflement du vent agréable qui emportera l'âme des croyants, après quoi il ne restera plus personne sur la surface de la terre qui dira « Allah, Allah ». Seules les pires personnes resteront, et ce sont eux que l'heure surprendra. Ce vent est décrit comme étant plus doux que la soie. C'est peut-être un honneur de la part d'Allah envers ses serviteurs croyants à une époque emplie de troubles et de méfaits. Dans le long hadith rapporté par An-Nawas ibn Sam'an, radhiyallahu an, concernant le récit du faux Messie, la descente de Isa alayhi salam et la venue de Ya'juj et Ma'juj, il cite: C'est alors qu'Allah enverra un vent agréable qui les saisira par-dessous leurs aisselles et qui prendra l'âme de tout croyant et tout musulman. Il ne restera plus que les pires des gens qui copuleront tels les ânes, ce sont eux que l'heure surprendra. Rapporté par Muslim. Abdullah ibn Amr, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le faux messie apparaîtra. Alors Allah enverra Isa ibn Maryam, qui ressemble à Urwa ibn Mas'ud. Il le cherchera et l'anéantira. Puis, les gens demeureront 7 années sans qu'il n'y ait d'animosité entre eux. C'est alors qu'Allah enverra un vent frais du côté du Shem. Il ne restera personne sur la surface de la terre qui ait dans le cœur le poids d'un atome de bien ou de foi sans qu'il ne l'emporte. Tel que même si l'un de vous entrait aux confins d'une montagne, il y pénétrerait pour l'emporter. Rapporté par Muslim. Ces hadiths prouvent que ce vent apparaîtra après la descente de Isa, alayhi salam, la mort du faux Messie et l'anéantissement de Ya'juj et Ma'juj. De plus, cela aura lieu après le lever du soleil de son couchant et après l'apparition de la bête ainsi que les autres grands signes. Ainsi, cet événement sera très proche de la venue de l'heure. Les hadiths relatifs à l'apparition de ce vent ne sont pas en contradiction avec le hadith. Une partie de ma communauté ne cessera de combattre dans la vérité, ils seront victorieux jusqu'au jour de la résurrection. Rapporté par Muslim. Et dans une autre version, victorieux dans la vérité. Ne leur nuit en rien celui qui les abandonne jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne et qu'il soit ainsi. Rapporté par Muslim. Cela signifie qu'ils ne cesseront d'être dans la vérité jusqu'à ce que ce vent doux les emporte à l'approche de la résurrection. Et l'ordre d'Allah est le soufflement de ce vent. Dans le hadith de Abdullah ibn Amr, il est mentionné que ce vent viendra du côté du Shem, comme déjà vu. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anh, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah enverra un vent du Yémen plus doux que la soie qui ne laissera personne ayant dans le cœur le poids d'un atome de foi sans qu'il ne l'emporte. » On peut répondre à cela de deux façons. Il se peut qu'il y ait deux vents, un du côté du Shem et un du Yémen. Il se peut qu'il débute d'un des deux côtés, puis arrive à l'autre et s'y propage, et Allah est plus savant. La violation de la demeure sacrée et la destruction de la Kaaba. Ne violeront la demeure sacrée que ses occupants, et ceux-ci sont les musulmans. Lorsqu'ils la violeront, l'anéantissement les touchera, puis un homme d'Abyssinie que l'on appelle Dhu Suwayqatayn viendra et détruira la Kaaba. Il la détruira pierre par pierre, prendra ses trésors et lui ôtera sa couverture. Cela arrivera à la fin des temps lorsqu'il ne restera personne sur terre qui dise « Allah, Allah ». C'est pourquoi la demeure sacrée ne sera plus peuplée après sa destruction, comme cela est mentionné dans des hadiths authentiques. Sa'id ibn Sam'an rapporte avoir entendu Abu Huraira radhiyallahu an informer Qatada radhiyallahu an que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « On fera allégeance à un homme entre l'angle de la pierre noire et la station ». Seuls ses habitants profaneront la demeure sacrée, et lorsqu'ils la profaneront, il n'est guère utile de s'interroger sur la perdition des Arabes. Ensuite, les Abyssins viendront et la détruiront en sorte que l'on n'y habitera plus jamais. Ce sont eux qui extrairont son trésor. Abdullah ibn Omar, radiallahu an, rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui détruira la Kaaba est Dhul Suwayqatayn d'Abyssinie. Il extraira son trésor et lui ôtera sa couverture. C'est comme si je le voyais, petite tête chauve et petits pieds distordus, la frappant à l'aide de sa pelle et de sa pioche. » Les deux shéirs rapportent d'après Abu Huraira radhiyallahu an que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui détruira la Kaaba est Dhul Suwayqatayn, un homme d'Abyssinie. » L'imam Ahmed rahimahullah ainsi qu'Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après Ibn Abbas, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est comme si je le voyais, un noir aux pieds distordus, il la détruira, c'est-à-dire la Kaaba, pierre par pierre. » Abu Huraira, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « À la fin des temps, Dhul Suwayqatayn se rendra à la Kaaba. Je crois qu'il a dit, alors il la détruira. » Si l'on dit que ces textes sont en contradiction avec le verset suivant, ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sûr, à savoir qu'Allah a protégé la Mecque de l'éléphant et a empêché ses propriétaires de détruire la Kaaba. À ce moment, elle n'était même pas la direction vers laquelle on se tourne pour prier. Comment enverrait-il donc sur elle des Abyssins après qu'elle soit devenue la direction vers laquelle se tournent les musulmans pour accomplir la prière ? À cela, nous répondons que la destruction de la Kaaba aura lieu à la fin des temps, à proximité de la venue de l'heure, lorsqu'il n'y aura plus personne sur terre qui dise « Allah, Allah ». C'est pour cela que dans la version rapportée par Sa'id ibn Sam'an, radhiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Telle qu'elle ne sera plus jamais peuplée. C'est bien un sanctuaire sûr tant que les siens ne le profanent pas. » En outre, il n'y a rien dans le verset qui prouve que la sécurité qui est mentionnée persistera. À plusieurs reprises, il y eut des combats à la Mecque, et le pire fut celui avec les Karmates, durant le 4e siècle de l'Égypte, lorsqu'ils tuèrent les musulmans en train de faire le tawaf, ils ôtèrent la pierre noire et la transportèrent dans leur pays. Ils ne la rapportèrent qu'après une longue période. Malgré cela, ce qui arrivera ne contredit pas ce noble verset, car cela fut fait par les musulmans et ceux qui s'y affilient. Cela correspond bien à la version de l'imam Ahmed, rahimahullah, à savoir que ne profaneront la demeure sacrée que les siens. Cela arriva comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, et de même cela arrivera à la fin des temps. Plus jamais elle ne sera peuplée lorsqu'il n'y aura plus de musulmans à la surface de la terre.